Rock. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 13 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut, Matt. Ouais. On accueille aussi Olivier Lessard. Bonjour à toi. Bonjour. Salut. Juste avant l'émission, on vient d'arriver, en fait. Pas qu'on vient d'arriver, mais quand même, ça fait 2-3 minutes, là. Mais la raison qu'on arrive en retard un petit peu, c'est un dégât d'eau. Et étrangement, le prérequis juste avant nous a terminé avec la chanson du plombier magique de Bruno Blanchet. C'était parfait. Il y avait un dégât d'eau chez moi, personnellement, donc ça donnait tellement bien. C'est parfait. Bruno, là, il est sur la coche, toujours sur la nouvelle. Ou il t'observe, ou il se passe quelque chose. Et on a rétroactivement préparé un prérequis qui avait rapport avec ça. Exact. À cause de ça. Mm. On est vraiment c'est comme... les Illuminati. Oui. Bon matin. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir David Ferron tout à l'heure à 8h30 pour sa chronique sur la musique du monde. Ça s'en vient tantôt avec lui. Ça s'appelle Les notes salées. Uh-huh. Oui. En effet. Toi, c'est quelqu'un qui liche des chips salés maigres. Qui liche des chips? Tu fais ça dans le... Ben oui. Non, bah moi, j'avais une amie qui faisait ça. Les Doritos, c'est meilleur. Elle lichait toute la saveur. Ouais. Puis après, elle mangeait la chip. Oh, c'était vraiment dégueulasse manger des chips avec elle. Elle lichait la saveur, puis elle choisissait la meilleure chip après ça. J'imagine que c'était... Elle les remettait tout dans le plat, puis ouais. Après ça séchait. Ouais, elle faisait ça avec les party mix, puis après ça, elle décidait de qu'est-ce qu'elle prenait ou non. Regarde donc, tu manges des party mix, tu prends comme un de chaque. Je dirais à la limite deux Cheetos. Pour un bretzel. On est tous wild un peu parce qu'il y en a qui prennent juste les Gringolos. Moi, je prends les Sun Chips, mais pas dans les Party Mix, mais dans les Munchies. Les Sun Chips dans ouais, les Oui, c'est ça. Ben ouais, moi, de tout, je parlais en fait. Ouais, c'est ouais. Les meilleurs. Les Party Mix, les vrais de Humpty Dumpty, là, je les trouve pas si bon que ça. On s'est entendu que Party Mix, c'est tellement 2000. J'avoue. Donc, on disait David Ferron à 8h30. Avant ça, on va avoir une entrevue avec ROBSM. Ça, c'est des gens en santé mentale qu'on a reçus il y a quelques mois. Ils vont revenir nous parler d'une pièce de théâtre qu'ils organisent. Oui, le Robson. Le Robson. On va terminer l'émission avec sa plus simple expression à 9h. Mais pour l'instant, on débute avec Olivier Lessard. Voici le cours en passe. Bon matin à vous deux. Hey, tu sais, à chaque semaine, tu me dis « Hey, ça te tente pas de mettre mon fond un peu moins dérangeant? » Moi, je l'arrête là, puis je pars à l'autre. Il faut pas que tu me le dises. Tu diras pas quoi faire. Je l'arrête l'autre et directement. Tu te prends mal, hein? Tu prends ça personnel. Clac, je t'arrête ça là. Non, ouais. Mathieu prend tout personnel. Flou. Ben oui, je sais. Wiki, c'est à la table tournante, je t'arrête ça, clac. Okay. Bonjour. Je t'ai laissé aller dans tes... Onomatopées. Dans tes onomatopées. Onomat étant mon premier nom avant mon prénom, comme Ono. C'est ça, Ono. Onoma. Matt Ono. Oh. Le frère à Yoko Ono, c'est ça? À Yoko Ono, c'est hey. Ça. Hey, vous êtes sur la coche, ces jeux de mots, pourtant il est encore tôt. Ben, Colin, je sais pas ce qui nous arrive. Ah, j'ai déjeuné déjà. D'habitude, je déjeune pendant l'émission. Quoi? J'ai déjeuné avant. Tu fais pas ça en studio, c'est interdit. Ben non. Ben non, mais je suis plugué par intraveineuse. Ah, ok. C'est ça. Légal, c'est pas écrit sa pancarte. C'est ça. Ah. Ça serait nice, une pancarte. Pas d'intraveineuse. Intraveineuse. Bon. On parle de musique avec toi. On parle de musique. Comme d'habitude, moi, ça fait comme 6 chroniques, vous remarquerez, que je plug le printemps, tu sais, parce qu'il fait de plus en plus beau. Puis là, je trouve tout le temps un lien à faire avec le printemps, parce que souvent, c'est le tu sais, faut faire des liens dans la vie, sinon ma chronique, serait pas d'appoint. Ça s'appelle le courant en passe, même que le courant en passe quelque part, là. Hein? Ben, c'est ça. Ouais. Fait que là, je fais encore un lien avec le printemps, mais cette fois-ci, on l'a, là. Là, le printemps est bien commencé. C'est installé. Et est tellement commencé que je peux commencer à faire des chroniques sur l'été. Parler de l'été, c'est ça. Ouais, c'est exactement. Ça. Oh. Changer des pneus? Non. Non. Ouais, wow, printemps est pas si là que ça, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. On se calme. Quand je change des pneus, là, par exemple?

C'était Nick à feu et pit de sable. Dans la chronique, le courant passe à Assemblage Requis et on retrouve Olivier Lessard tous les lundis à 7h30. C'est lui qui débute notre semaine en beauté. On prend une pause au retour. On parle avec les gens du ROBSM d'une pièce de théâtre qui sont organisées par eux. Après ça, on a aussi David Ferron et sa plus simple expression. Ben oui, c'est moi ça. C'est toi ça? C'est moi, je vais rester là. OK. Food Rock. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour à Assemblage Requis en ce lundi 13 avril 2015. C'est Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. Oui. Dans quelques instants, on va parler avec Annabelle et Vanessa d'un organisme que vous connaissez peut-être, le ROBSM. On les a déjà reçus à l'émission. Donc, on en parle en quelques instants. Avant ça, par contre, j'avais envie d'écouter un petit peu de Salomé Leclerc. Ben oui. Mettre les choses au clair, tu sais comment on dit. Ouais. C'est moins drôle en onde aussi, ça n'a comme pas de lien. Ça a l'air pratiqué, puis c'est pas vraiment de... En tout cas, ouais, faut qu'on soit spontané. On la refera tantôt. C'est bon, j'aime ça. Donc, c'est le meilleur clair. Voici vers le sud. Ça, c'est fou. Dans vos oreilles. On se trouve tellement drôle. Salomé Leclerc et vers le sud. Assemblage Requis. C'est mystérieux comme chanson, hein, tu trouves pas? Non. Non? Ok. Non, je l'ai compris. Oui, non. C'est quoi, t'es-tu calme? Donc, vous êtes à Assemblage Requis. Et on reçoit pour la deuxième fois des gens du ROBSM. On les a reçus il y a quelques mois. En fait, pas ces filles-là. Quelqu'un d'autre. On avait parlé de qu'est-ce que c'était, l'ROBSM. Mais on leur avait ouvert la porte à revenir le cas éventuel s'il y avait un projet. Tu sais, le cas échéant, comme on l'appelle. T'sais. Et le cas a échéé. Il est très échéé, là. Il est vraiment éché. Donc, c'est Vanessa Landry, coordinatrice de projet, et Annabelle, nos stagiaires. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? très bien. Oui. Donc, on va vous poser quelques petites questions sur un projet qui s'en vient, mais avant, on veut savoir c'est quoi ce, le ROBSM. Le ROBSM, c'est le regroupement des organismes de base en santé mentale de la Mauricie du Centre du Québec. En fait, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui vise à promouvoir, représenter les groupes de la région de la Mauricie et du Centre du Québec œuvrant en santé mentale. Mm-hmm. Et vous avez plein de choses que vous organisez à l'année longue, j'imagine. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ton stage au ROBSM? Est-ce que tu t'occupes de... Si vous deux, en fait, c'est Annabelle qui est stagiaire. Qu'est-ce que tu fais, finalement? Est-ce que tu fais quelque chose? C'est ça que je veux savoir. Ben, je veux que ce soit rentable. C'est une bonne affaire. Okay. mon plus gros mandat dans ce stage-là, c'est le projet contre la stigmatisation. Puis dans ce projet-là, on fait beaucoup de sensibilisation. Par exemple, je suis allée au collège Shawinigan devant les étudiants en agent carcéral puis en soins préhospitaliers d'urgence. Mm-hmm. Aussi, on va à la maîtrise en soins infirmiers à l'Université Laval et dans les carrefours jeunesse-emploi. Mais mon projet de stage, en fait, c'est l'organisation d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Un regard qui dérange », en fait. OK. Qu'est-ce que c'est, « Un regard qui dérange »? C'est une pièce de la troupe de théâtre Parmi nous. Ça parle de prévention du suicide. C'est fait par des chats Parmi nous? Non. Ah, je suis sûr de suivre, ça. Mais c'est ça, ça parle de stigmatisation envers le suicide, tout ce qui est ne pas croire les gens qui ont des pensées suicidaires, la stigmatisation envers les proches endeuillés aussi. Puis il va y avoir un témoignage d'une mère endeuillée par le suicide de sa fille après ça, qui l'a pas cru. Ouais. Comment est-ce que ça a vu le jour, cette pièce de théâtre-là? Ben, en fait, l'auteur, c'est Hélène Desperriers. Et elle a fait appel au ROBS, vu qu'on est un peu comme les experts en stigmatisation, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas juste vous autres qui appellent ça le ROBS. On le faisait, nous autres, mais on sentait qu'il ne fallait pas qu'on le fasse. Mais si tu le fais, on va le faire. Ben, on le fait pas mal tout. Puis, dans le fond, c'est ça. On a aidé à clarifier certaines choses sur la stigmatisation pour vraiment plus l'amener vers un esprit de sensibilisation, finalement. C'est comme ça qu'il a vu le jour. Donc, ben, c'est ça, contre la stigmatisation. J'imagine que bon, la pièce de théâtre est une des activités parmi tant d'autres. Il va y en avoir d'autres dans le futur. C'est sûr qu'on peut se renseigner en vous contactant, j'imagine. Oui, exactement. Il y a aussi notre site Internet qui a un beau calendrier qui annonce toutes nos activités au www.contrerlastigmatisation.ca. Et à venir aussi, dans le fond, on fait un lancement de compte. C'est un compte qui porte vraiment sur l'exclusion sociale, en lien toujours avec la stigmatisation, toujours dans notre créneau. C'est Mme Laurence Brouillette et Coralie Gagnon-Voyer qui ont écrit un livre dans le cadre de leur stage l'année passée, au printemps passé, et ils font le lancement officiel de leur compte et de leur livre le 1er mai prochain à la Nouvelle Terrasse au Nike Aventure Fin de Loup. C'est un petit nouveau café qui va ouvrir aussi au Mike Aventure. Fait qu'on a décidé de profiter de l'occasion pour faire ce beau lancement au Mike Aventure. Mm-hmm. Toi, Vanessa, t'es pas stagiaire parce que ça, c'est Annabelle, mais oui. Toi, ça fait combien de temps que t'es là? En fait, moi, ça fait 3 ans. J'étais déjà venue à l'émission au tout début que je commençais mes collaborations avec le ROBS dans le cadre d'un PICOM, un projet d'intervention communautaire. C'est vrai. Oui, c'était ma première apparition à C'est fou. Et dans le fond, moi, je récolte des subventions, je trouve des bailleurs de fonds pour que le ROBS puisse m'engager. OK. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de fonds vraiment pour un autre poste. Alors moi, ça fait déjà 2 ans et demi là, que je suis travailleur autonome. Je collabore avec le ROBS, avec d'autres organismes aussi par territoire. On monte des initiatives, là, comme Annabelle, elle disait tantôt. On va dans les cégeps, l'université, les carrefours jeunesse-emploi, un peu partout qui veulent bien nous accueillir. Mm-hmm. Est-ce que vous prenez des stagiaires à chaque année? Oui. Et est-ce que tu es contente d'être là depuis... combien de temps ça fait que tu es là? Ah, oh, là, moi, ça fait à peu près 4 mois. OK. Il y en a pour combien de temps encore? Il reste 3 semaines. OK. Il reste trois semaines. Un gros rush de 3 semaines. C'est ça. Et il va y avoir quelqu'un d'autre, j'imagine, l'année prochaine. Oui. Toujours. Fait que, peut-être qu'on va recevoir quelqu'un d'autre la prochaine fois. Bien sûr. Donc, on ne va pas te recevoir, toi, mais on est bien content. Donc, on rappelle, la pièce de théâtre a lieu quand? C'est le mercredi, le 15 avril à 19h au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Okay. Puis les billets sont 5$, sont en vente au ROBS au 819-691-2592. Génial. Et comme on a dit tantôt, on pouvait vous contacter aussi par Internet? Oui, au www.contrerlastigmatisation.ca. À l'infinitif, contrer. Oui. Ah. On a aussi des billets à vous donner pour la pièce de théâtre. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une paire de billets? Oui, c'est une paire de billets. Parfait. Donc, on va demander aux gens de nous téléphoner au 819-376-5183. 819-376-5183. On prend le 46e appel. Ben oui, pourquoi pas? Hein, on va le prendre après-demain. 46e appel. Donc, 819-376-5183. Pendant qu'on écoute une pièce de Twin River, tout de suite, à l'instant, voici Bend to Break. Et on vous remercie. C'est Vanessa Landry, coordonnatrice de projet, et Annabelle, nos stagiaires. Bonne merci journée. À vous. Merci. We'll be right back. ponctuation et la pièce météo à Assemblage Rocky. Yeah. Yeah. Yeah. Oh yeah. Rock and roll. Yeah. Hey, t'sais, rock and roll, rock, roll, around the clock. C'est une liste de paroles de chansons d'Elvis. Voici son foutu palmarès. Ah. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et cette fois-ci, en fait, c'est plus ou moins une liste de fêtes qu'on peut célébrer en avril. C'est, c'est rendu pas mal la liste qu'on, la sorte de liste qu'on fait le plus souvent. Ouais, t'as fait un petit peu en retard. Ouais, j'avoue, mais on l'a fait quand on a un spot de libre dans l'émission, c'est-à-dire des fois à la mi-avril. À la mi-mois, mettons. À la mi-mois, voilà. Donc, commençons avec le 1er avril. Tiens, c'est la journée nationale d'avoir du plaisir au travail. Bien sûr, qui coïncide avec le 1er avril, qui encourage les employés à ne pas limiter leurs idées à des blagues. Hein? Pourquoi ne pas manger de la crème glacée ou du gâteau à job, t'sais, à la place. Important. N'essayez pas le coup de mettre de la farine sur une voiture. Non. Puis de dire mettre de l'eau pour que la farine parte au vent. Ah ouais, j'avoue. Fait de la colle. Ou s'il mouille. T'as de la colle. Miam. Tu dois une peinture à ton collègue. Ouais. Miam, des partout au vent. Non, ça, c'est des vols au vent, je pense. 2 avril, c'était la journée Pascua Florida. Donc, c'est une fête qui commémore l'atterrissage en Floride de Ponce de Leon en 1513. Donc, c'est ça, le nom? L'atterrissage, pas sûr. Non, mais c'est comme l'atterrissage, dans le sens qui est arrivé. L'accostage, l'accostage, c'est un bon mot, ça. Pascua, qui veut dire Pâques, et Florida, qui veut dire flowering. Donc, c'est une fête légale aux États-Unis. C'est la fête Pascua Florida. Ensuite, le 7 avril, c'est la journée nationale de la bière. Le 22 mars. Shit, c'est passé. Ah, zut. 22 mars 1933, Franklin Roosevelt a signé l'acte Colin Harrison légalisant la vente de la bière en autant que ce soit de la 3,2% d'alcool par volume ou moins. Après plusieurs années de prohibition, le public assoifé a dû attendre 2 longues semaines avant de pouvoir légalement boire. Et le 7 avril, la loi a finalement fait effet. Donc les buveurs de bière partout au pays étaient super heureux et ont célébré avec, évidemment, une bonne citrouette. Il devait en avoir du monde sous 7 avril cette année-là. En plus, sur la photo, on nous montre la palette de bière, l'échantillonnage. Là, ça, c'est ma sorte de bière préférée. T'sais, tu me demanderais ma bière préférée, je dirais la palette. Un petit peu de chaque. Le 9 avril, l'anniversaire de Jumbo l'éléphant qui arrivait aux États-Unis, en Amérique, en fait. Ouais, l'éléphant qui a été capturé en Afrique en 1861. Quand il était tout jeune, il est amené au zoo de Londres. On lui a donné le surnom de Jumbo, qui est le mot en West African, donc l'Africain de l'Ouest, pour éléphant. Ah, je pensais que vous voulez dire gros. Jumbo? Non, c'est ça. Non, ça a été repris après ça par les compagnies qui faisaient des formats familiaux. Ben ouais. Format Jumbo. Mais c'est bizarre, hein? Ben, c'est si gros comme un éléphant. Format éléphant, mais oui. Donc, Jumbo, qui était une attraction touristique populaire au zoo pendant plusieurs années, et en 1882, P.T. Barnum, le fondateur du cirque Barnum & Bailey, a acheté l'éléphant pour 10 000 $ américains. Le 9 avril, Jumbo arrivait à Manhattan. Il est devenu célèbre et son nom est entré dans le vocabulaire américain. Et après ça, ben, c'est allé ailleurs, évidemment. Le 10 avril, on se rapproche de la moitié du mois, c'était la journée nationale des frères et sœurs. Pourquoi il est mort? Mais il y a un sapin de Noël en arrière sa photo. Ah, j'avoue, je sais pas. Anachronisme! Ils ont cherché frères et sœurs sur Google, puis ils ont trouvé ça, puis ils avaient pu la découper. Faire un petit Photoshop pour enlever l'art de Noël. Mais bon, bref, c'est ça. C'est la journée nationale des frères et sœurs. Mais il a l'air de pogner un sein. C'est vrai ça. Puis que t'as l'autre frère là, qui regarde, puis il est comme à l'autre, ça. Ils sont sûrement même pas frères et sœurs. Au pire, c'est sa blonde à l'autre qui regarde, puis l'autre il est sous, tu sais, c'est Noël. Puis là, il accro, puis là, il y a un malaise. Tu m'inventes une histoire, moi, sa photo, ça bouge. C'est le fun. Ça rajoute de la vie. Le 12 avril, la journée nationale de la réglisse. Je me suis justement acheté de la réglisse. Je te dirais, il n'y a pas longtemps. Là. C'est en petite forme de fleur, parce que ça, c'est des réglisses particulières, parce que c'est plusieurs petites pailles de réglisse ensemble, et ça donne une fleur au bout. C'est ça que je me suis acheté, mais à la cerise. Okay. La rouge? Ouais. Mais c'est pas celle que je préfère. Moi, c'est les nibs là, que je préfère. Ouais, j'aime vraiment, vraiment pas du tout les nibs, finalement. J'ai découvert ça récemment, j'aime pas. Oh mon Dieu, trop gluant. Oh. Gluant. Ouais, je trouve. Bref. Donc, la réglisse noire, spécifiquement, qu'on célèbre, c'est la journée pour ça, mais la réglisse en général, parce que c'est la journée de la réglisse, mais spécifiquement, c'est pour célébrer la réglisse noire. Qui est tellement boudée. Est-ce que t'aimes ça, la réglisse noire? J'aime ça, mais pas trop souvent. OK. Ouais. Ensuite, le 14 avril, la journée... C'est demain, c'est la journée nationale des gens qui travaillent dans des bibliothèques. Les libraires? Les libraires, non, pas les libraires, les bibliothécaires. C'est ça, ouais, c'est non, ça. Mais library, là, c'est tout à fait. Donc, vous allez pouvoir visiter votre bibliothèque locale et les remercier d'exister, hein, encore aujourd'hui. Ensuite, le 15 avril, c'est la journée Devine donc et la journée nationale de C'est donc mes poches, ça. National That Sucks Day. C'est parfaitement timé pour arriver exactement le jour des impôts aux États-Unis. C'est très drôle. Très drôle. Le 16 avril, c'est la journée nationale du high five, du top là, du 5 en l'air, du tout ce que vous voulez. Parce qu'après ça, vous avez plus à penser aux impôts pendant une autre année. Top là! C'est fait! C'est fait! Le 17 avril, c'est la journée nationale de la poésie avec des haïkus. Ah! Ouais, haïku, vous savez, les petits poèmes avec des syllabes. Japonais. Hein? Japonais. Avec des syllabes, oui. Tous les poèmes possèdent des syllabes. Exactement, mais des... Merci de le rappeler, mais évidemment, on parle d'un nombre de syllabes exact. Là. Ouais, je me souviens pas c'est quoi. Je sais qu'il y a trois vers. Ouais. Non, c'est sept, il me semble. Un petit peu. Ah, 5, 7, 5. Ouais, c'est ça. C'est ça. 17 morts. Morès mort. S'mores, on va dire s'mores. S'mores, ouais, légumes au chocolat, mystère. Donc, c'était. Ça, c'est le 17 avril prochain. Hey, ils ont même écrit un haïku. Ouais, j'essaie de le traduire, mais bref. Je suis pas sûr que ça va fitter en français, ça, hein. Le 22 avril, c'est la journée de la Terre. Ça, c'est une vraie fête plus célébrée que d'autres. Un peu plus connue. Un petit peu. C'est un petit peu moins hipster comme fête. La fête de la réglisse, là, vous êtes vraiment hipster. Bon, c'est le 45e anniversaire de cette célébration internationale de cette planète qu'on appelle notre bon petit chez nous, la journée de la Terre, le 22 avril. Ensuite, le 23 avril, c'est la soirée mondiale du livre. Ah. C'est la fête, l'anniversaire de Shakespeare. Donc, il y a des bénévoles passionnés qui vont donner des livres aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne. Bon. Pour célébrer cette journée-là. Le 25 avril, c'est l'anniversaire de la première plaque d'immatriculation. Donc, ce jour-là, en 1901, New York est devenu le premier État à forcer les gens à avoir une plaque, une licence, une plaque d'immatriculation sur leur automobile. Le 26 avril... Ah, t'en as parlé précédemment dans l'émission d'aujourd'hui des pretzels, pardon, en français. Pretzels, c'est ça? Pretzels en anglais, pretzels en français. Dans les munchies, les party mix. Moi, c'est party le mix, dernier. Party mix, je sais pas s'il y en a, je... Je pense oui. pas ça. Mais bref, moi, c'est le dernier sur la liste. Les pretzels, ça va en tout complètement après tout le reste. Toi? Ben, moi, ça me prend un pretzel avec une affaire de chaque autre affaire. Ouh! Je trouve que le ratio est parfait comme ça. Ouais. Moi, j'aimerais un chapeau fait de pretzel, un sombretzel. Ça me l'aide. Et tu t'offrais pas longtemps le chapeau? Non, pas tant. Tu le mangerais? Ouais, j'aurais. Je sais pas, c'est quoi qui cause des douleurs quand tu manges trop salé? Hein? Pas le foie, quand tu manges trop salé. Ah, hier, là! Anecdote, hier, je mangeais, je me suis fait un souper du Kraft Dinner. Épicé. T'es gâté. Épicé, j'ai. Ouais. C'est récent. Moi, c'est je sais, bon. Je l'ai vu, mais moi, je suis tellement standard. T'es carré. Et en plus, c'est du macaroni plus épais, plus gros avec des petites rayures dessus. Super bon. Bref, ça pour dire que je me suis fait aussi, parce que j'avais ça dans mon congélateur, en prévision de m'acheter une lasagne. Je l'ai pas encore acheté, mais là, le pain me tentait vraiment, j'ai acheté du pain à l'ail. Ça. Ben ouais. Congelé. Je l'ai fait, du pain à l'ail, je sais pas si c'était d'Amster's ou peu importe, la marque cheap de congelé. C'est la chose la plus salée que j'ai mangée de ma vie! Hein? Jamais de ma vie j'ai mangé quelque chose aussi salé que ça! Mais voyons donc! T'es carré. T'es bon? Ok, si tu trouvais ça bon, c'est ben, trop salé. Ça tombe sur le cœur rapide, mais les deux parties se sont engouffrées dans mon bedon assez rapidement. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais un pain à l'ail, ça fait bien le travail. Dis leur slogan. Ça serait tellement un slogan. Tu une marre, t'avais rien dit. Dumpsters! Un pain à l'ail, ça fait bien le travail. le 30 avril. Non, j'étais encore sur le jour du Brésil, j'ai pas donné les détails. Fini. Donc, célébré pour la première fois en 1983, c'est une journée pour partager du bretzel, admirer aussi cette collation salée. Voilà. Admirer? Comment tu peux admirer un bretzel sans te le sacrer dans la gueule? T'as bien raison, ça. Ouais. j'ai des jeux de mots de bretzel comme des sels, mais je veux pas y aller, tu sais. Oh, tu veux pas y aller à sel? Ça va trop loin. 30 avril, c'est la journée internationale du jazz. Ah, ouais, la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization est responsable pour cette fête qui célèbre sa 4e édition cette année. Les écoles, les communautés et même les organisations du gouvernement autour du monde vont avoir des programmes qui vont souligner, si on veut, le rôle diplomatique du jazz qui rassemble les gens dans le monde. Donc c'est ça, c'est le 30 avril prochain qu'on va célébrer la journée internationale du jazz. On avait une excellente émission, l'émission de la fin de semaine, je ne vous disais pas, mais on avait un excellent titre d'émission de jazz, qui était « Voulez-vous qu'on en jazz? » Est-ce qu'il faisait jouer du jazz? Ben oui. Ah, ben, j'avais pas compris. Ben non, c'est ça. C'était pas assez clair. ouais, il y avait un autre nom pour cette émission-là, puis à un moment donné, on trouvait son nom un petit peu borderline plate rare, genre. Et puis on y avait... désolé. Mais on y avait suggéré ce titre-là. Je prendrai pas le crédit, je vais le donner le crédit au comité de programmation. Composant entre autres de moi. C'est ça, le nom est devenu « Voulez-vous qu'on en jazz? » Ça a l'air cliché, mais c'est drôle. Fait que ça t'attachait. Ouais, hein. Voilà, c'est tout pour cette section de son foutu palmarès. Bon, c'est parfait, ça. On arrive juste à temps pour la prochaine demi-heure, parce que tantôt, on va avoir David Ferron et sa chronique Les Notes Salées. Oh, on parle de bretzel! T'es qui, là? Les Notes Salées. Encore une joke de kéké. C'est au retour à Assemblage requis jusqu'à 9h30. Sur C'est fou. T'es malaisant, ça? Un peu, hein. Folk. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 13 avril 2015, et Stéphanie Paradis. Louise Mathieu Blanc. Dans quelques instants, ce sera David Ferron et les notes salées. On a parlé de bretzel tantôt, on a parlé de pain à l'ail beaucoup trop salé, donc David vient en rajouter encore, comme c'était pas assez. Maudit David, tout le temps en train de tout gâcher. Tout le temps. Non, bah, maintenant que ça va, là. Il n'y a rien fait de terrible encore. Il y a encore le temps. Purity Ring, voici Push-Pull. Purity Ring, c'est une joke de sel, là, encore. Mais de sel... De sel, ah, de toi, ah, ring comme. Ring. Ah, wow, c'était son jeu, ça. Pensez-y pendant la pièce. Push and you pull, C'était Purity Ring et Push Pull à Assemblage Rocky. Maintenant, tiens, on a eu beau le repousser. Push. Ouais, il nous retire vers lui. Pull. Comme un petit... Il a couvé une chronique. Pull. Comme une poule. Push Pull. Donc, c'est David Ferron que voici avec les notes salées. Le chlorure de sodium est un composé chimique ionique de formule NaCl. On l'appelle plus communément sel de table ou sel de cuisine ou tout simplement sel dans le langage courant. Le 4 main notes, c'est David Ferron. Bonjour. Vous aurez la suite des informations à la prochaine chronique. Part 2. Ah, quoi qu'on sait pas, c'est pas d'en avoir une prochaine chronique, mais on va commencer. J'espère. On va commencer par celle d'aujourd'hui. David Ferron, bonjour. Oui, bonjour, Steph. Bonjour, Mathieu. Allô. Ça va? Hey, ouais. Je trouve ça très drôle, Mathieu, parce que en accueillant David, t'as comme fait ça. T'as mis ton doigt sur ta bouche. T'avais-tu ça que c'est sel en langage des signes? Sel de se gratter le bord de la bouche? Non, mais si je me trompe pas, comme ça, c'est pointer sel avec le doigt comme plié. Parce que si tu mets ton doigt droit puis que tu tournes comme au coin de ta bouche, ça, c'est sucré. OK. Mais ouais. Si je me trompe pas, salé, c'est comme ça. Un crochet sur le coin de ta bouche. Fait que dans le fond, t'as parlé de sel sans vouloir pour les gens à la caméra 3. Oh, quand même. C'est pour les visuels des gens qui nous écoutent à la radio, David. J'en reviens pas, on est rendu une expérience audiovisuelle. C'est multisensoriel. On vous touche de partout avec, avec cette chronique-là, les notes salées. David, ça fait 3 semaines qu'on t'a pas vu, je crois. Oui. T'es de retour en force. On essaye. Est-ce que tu termines? On va voir, on va savoir ça à la fin de la chronique. Mais pour l'instant, on parle de quoi aujourd'hui? Ben, on parle de plein de musique de partout dans le monde. Okay. Ah, c'est original. Ouais, ouais, musique du monde, c'est pas mal le sujet. Ouais. C'est pas nécessairement juste de la musique du monde, c'est vraiment des coups de cœur personnels. Mm-hmm. En fait, je vous offre des bretzels musicaux. Ouh! Mais juste des bretzels. C'est un peu sec pour la bouche, par exemple. Fait que ça va être comme tortillé un peu. Ouais. Fait que ça va être mélangé. Ouais, exactement. C'est comme des méli-mélos. Wow! Ah, mais méli-mélos. Ben, il y a du bretzel. Ouais, mais c'est des petits bâtons. Ben avec il y a plein d'autres choses. Ouais. À saveur de barbecue. Les bretzels, d'habitude, il n'y a pas de barbecue. Non. Ils sont en spécial chez IGA cette semaine. C'est juste un sac. Mais ça va être des bretzels au barbecue avec des bâtons. OK. Ma chronique. Ça va être des ferroncheese à la place des munchies. Oui, en tout cas, je sais plus. Je suis comme perdu dans le domaine salé parce que ça fait 3 semaines que je suis pas venu ici. Donc, ça a accumulé du sel depuis. Oui. Quand vous mangez des millimélos, là, est-ce que vous rentrez les bâtons de bretzels dans un petit ring? Ça arrive, ça arrive. Je dois l'avouer, ça arrive. Moi, non, mais quand j'étais petit, je m'amusais à comme prendre mais tout normal. Tu mets pas ça des bretzels dans... Dans les petits anneaux. Dans les tympans. Hein? Ouais, c'est ça. Oui, la langue dans ton oreille, son ancien nom de chronique, ça voulait dire. C'est oui. ça, je l'ai dit. C'est subtil comme gag, mais... Ça va être bretzels dans les tympans. Bretzels dans les tympans. Ouais. Hein? Ça va être génial. C'est comme le printemps. C'est pas dangereux. Il chauffe la couenne. Mais c'est comme le printemps, sauf qu'à la place, c'est le... Très, très pas. Ça marche même pas. Vraiment pas en tête. Tu à chaque fois que j'arrive, tu gâches tes jeux de mots. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Pauvre toi. Tu nous déstabilises, je pense. Peut-être ça. En tout cas. Tu nous rends nerveux. Ah oui, pourtant, des animateurs experts et expertes comme vous. Expertes de conscience comme perte de conscience. Alors, pendant qu'on s'étire. Jeu de mots, yeah, merci. On lâche pas les enfants, donc là, ça a l'air que j'ai 3 tunes à présenter. OK. Et là, comme d'habitude, je vais vous présenter ça dans le désordre. D'habitude, c'est ce que tu fais. Tu nous les présentes dans le désordre, après ça, tu me dis que t'étais supposé les mettre dans un certain ordre. Il faut que je m'adapte en les mettant dans l'ordre que t'as dit que t'es ferais jouer en onde à la place de ce que tu m'avais dit. Alors, ouais. Mais là, je les présente en désordre, donc toi, Mathieu, il va falloir que tu les présentes dans l'ordre. OK. Je vais essayer. T'es capable. Donc, la troisième tune qu'on va entendre, mais c'est la première, c'est Habib Galbi de Ewa. Ewa. Oui, exactement. Donc, Ewa vous offre une tune velcro pour ce printemps, pour cette tendance printemps 2015. Eh bien, voici quelque chose d'assez velcro-idisé. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est pas grave. Je pense que c'est velcroté. Velcroté ou velcro-alisé, c'est comme alcoolisé. Ah oui, j'aime bien le thème. Ça a l'air scientifique. Oui, ça a l'air vrai. C'est comme péripatéticienne. Oui. Donc, Paripatéticienne qu'on a inventé comme l'autre fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est les prostituées de Paris. C'est ça. Tu veux t'insérer le couteau dans leur petite canne. On ne tartine pas avec... Attends, on ne tartine pas avec l'amour. Ouais, c'est beau, ça. Oui, c'est chez du Guy de Maupassant. Ah. On ne badine pas avec l'amour. Ben ouais, on ne tartine pas avec l'amour. Place, ouais. C'est pas Guy de Maupassant. Non, c'est qui déjà? C'est Guy Mongrain, ça, je pense. Qui a écrit « On ne badine pas avec l'amour », je m'en rappelle plus. C'est Jep pas est genre trop loin. Molière ou je sais non. pas, mais c'est... Alfred de Musset. Ah, c'est ça. Ah oui, il y a l'émission aussi sur un gars qui fait du meth, là, c'est on a Breaking Badin pas avec l'amour. Oh. Breaking Bad. Oh, Bref, de quoi qu'on parlait déjà? Je sais plus. On est dans une chronique. Ouais. Ah non, c'était pas par rapport aux animaux, aux chiens, le mode de vie des iguanes. Non, je pense pas. Alors, on retourne à notre groupe qui s'appelle Ewa. C'est un groupe d'Israéliens, en fait. C'est un trio de sœurs. Et ce trio-là est assez particulier parce qu'on... En fait, on compare ce trio-là souvent à M.I.A. Donc... C'est qui tire des guns dans ses chansons tout le temps. Là. Oui, exactement. Okay. Sauf que ces filles-là, en fait, les filles de Ewa ne tirent pas de guns, mais plutôt des sons assez particuliers, assez surprenants. En fait, c'est un trio qui mélange... tradition yéménite avec électro et hip-hop, et Habib Galbi, le nom de la toune, veut dire en fait tout simplement l'amour de mon cœur, qui est une toune de la tradition orale yéménite. Donc c'est une toune qui date des années et qui a été redécouverte au cours du 20e siècle, et là les filles de Ewa le reprennent d'une manière très très 2015. Ouais. Donc on va entendre ça, mais avant on va entendre Randayad de Urban Symphony. Donc cette tune-là, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un prétexte pour vous plugger encore une fois l'Eurovision, comme je le fais à chaque année. Le célèbre concours de musique et de chant international. Oui, ben plus européen. Bon, on dit européen, mais il y a des pays comme l'Australie et l'Israël qui présentent une toune cette année. Donc là, il va y avoir 40 pays. C'est pas satanique, on dit c'est satanique. Satanique. Oui, c'est vrai qu'il y a des tunes qui vraiment brûlent les tympans comme l'enfer, en effet. Parce que des fois, ça c'est qu'étaine merci. Oui, en effet. Il y a des pour avoir entendu les pièces que tu nous as fait jouer ici, il y en avait qui étaient qu'étaine pas mal. Ouais, je vous ai pas présenté les pires. Non, une chance. Ah non, il y en a qu'on a l'impression d'entendre du Lara Fabian, mais en version démo. Ah! Pour vous montrer à quel point des fois la qualité est douteuse, mais bon, respectons les goûts de chacun des pays. C'est ça. Donc, par contre, il y a une toune qui est quand même pas pire, et en fait, le concours, c'était le concours qui a lieu en 2009, et c'était un groupe féminin qui s'appelle Urban Symphony, et ils ont présenté la toune Randayad, qui est vraiment quand même une bonne toune, parce que c'est violon avec quelque chose d'électro, fait que c'est quand même bien, c'est moins pire que les mamies russes. Faudrait les entendre, les mamies russes, elles me manquent. Les mamies russes, ouais. On le fait jouer trop souvent lors de la sortie, mettons, tu sais, que j'ai brûlé le le vinyle. Les mamies sont en burn-out à cause de toi. C'est ça. Mais c'est la seule toune bonne que la Russie a jamais sortie. Ah, bon. Parce que les autres, c'est tout. Je broye ma vie par mon amour avec une toune quétaine. Donc là, ce qu'on va présenter en premier, c'est Django, qui n'a aucun rapport avec Django Reinhardt, qui est le roi de la musique manouche, parce que Django, c'est pas de la musique manouche, c'est plutôt de la musique rock alterno électro avec quelques petits beats, world beats parfois. Okay. Donc là, je vais vous présenter First Light, qui est issu de leur prochain album qui sort le 5 mai. Et cet album-là, ça s'appelle Born Under Saturn, qui va succéder à leur album éponyme qui a été en nomination au Mercury Prize. Ça, les Mercury Prize, c'est la version britannique des Polaris. OK. Polaris. Plus indie que les la disque et Grammy Awards. Ouais, exactement. Puis ça a eu d'excellentes critiques. Ça a été vraiment, même le Rolling Stone aux États-Unis l'a considéré dans son top 50 des meilleurs albums. Ils font pas juste mentir, le Rolling Stone, parce que tu sais la controverse avec le viol qu'il y a eu. Entre autres, ouais. Et avec comme quoi U2 a sorti le meilleur album l'année dernière. Ouais, c'est ça. Donc, Rolling Stone, c'est ça! OK! Oui, donc on écoute... c'est ça, on va écouter Django Django avec First Light. C'est la première, ça, dans l'ordre, parce que ça s'appelle First Light, fait que t'as mis en premier, c'est ben ça? Oui, exactement. Sinon, ça, c'est Last Light. Cause they're the things. Bye. عقب من عيبك مني. C'était Habib Galbi du groupe Ewa, précédé de la pièce Randaya de Urban Symphony. Et là, on a commencé notre trio par Django Django et First Light. Dans le même ordre que tu les avais dit, incroyable. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Ramdaya? Si tu parles de l'émission, là, Ramdam, là, avec Manolo. Ça, c'est la version estonienne, exactement. Ah, d'accord, puis, d'accord. Maxime Desbiens, c'est Maximus Despienos. C'est une, vraiment une grande vedette en Estonie. Ça me surprend pas. Ouais, puis là, en plus, sauf que le problème, c'est qu'en Estonie, ils ont moins de, un petit peu moins de moyens que nous. Fait qu'au lieu que ça soit une caméra qui se parle à eux, ben, ils se parlent dans un miroir. Fait qu'on voit pas vraiment ce qui se passe. C'est pas à TV partout, c'est juste un gars dans la vie. C'est juste dans ma tête. Aïe, aïe. La version basic de Ramdam. Donc, David Ferron, c'était dans la chronique Les Notes Salées. Oui. On écoutait trois pièces de musique comme ça de partout dans le monde, comme on le fait toujours. Oui. Parle-nous du futur de cette chronique. Voir. Est-ce qu'on se dit à bientôt, à la semaine prochaine, dans un jour, quand ça donnera, quand tu... Donc, vous dites que vous avez encore 3 ou 2 semaines devant vous. Il reste la semaine, là, on est la semaine du 13, okay. Et la semaine du 20 et la semaine du 27 qu'on fait. Donc, sûrement le 27. Le 27, cool. Oui. Bon. Pas mal ça. Ben oui, si vous voulez, puis là, je vais peut-être faire une réunion familiale. Ah, oh! C'est personnages récurrents, attention. Ah, oh, shit, j'avais pas compris ça. Ah, boy. on se dit dans 2 semaines. Ça, c'est si ça donne, puis que ça marche si pas. Dieu le veut. Si Dieu ouais. le veut. Ouais. Hey, t'as peur, là. J'ai qui le dieu des Mormons, là? Je sais pas. C'est un dieu, c'est quoi ce religion? C'est le Flying Spaghetti Monster, s'il le veut. Oh. Ouais. Tant que Gilbert me coupe pas encore les bras, je vais être correct. On verra. Ceux qui comprennent pas les gags, soyez là dans 2 semaines, puis on va réexpliquer. Normalement, j'étais là, puis je suis plus sûr. On écoute Palmarès Moi du non monde. Plus. Les jeudis entre 16h et 17h. Oui, ça, c'est beaucoup plus cohérent dans ma tête quand j'anime ça. C'est sérieux du début à la fin, ça. Oui. Palmarès du monde, et ça repasse les lundis entre 18 et 19. Exactement. CIF.ca pour la programmation complète. Merci, David Ferron. Ben, ça fait plaisir. À dans 2 semaines. Ouais. Vous êtes à Assemblage requis. Dans quelques instants, on va continuer avec sa plus simple expression. Uh-huh. Le retour de cette chronique sur les langues, uh-huh. sur la langue française, en fait. Les expressions qu'on utilise tous les jours, à tort et à travers. Mais avant ça, on écoute Galaxy pour changer complètement de style. Voici Dragon sur ses flux. C'était Galaxy Dragon à Assemblage requis. Au retour, sa plus simple expression s'en vient. C'est vrai, ça. Et plus encore à l'intérieur de cette pâtisserie bien chaude qu'on appelle Assemblage requis. Nous autres, on est la farce, là. La crème Boston. C'est ça. Ouais. David, go Boston. C'est cramage. Chocolat. Miam. Pas pour David, miam, mais pour le reste. Fou de passion. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 13 avril 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On est dans le dernier droit, la dernière demi-heure de cette émission d'Assemblage requis. On va faire dans quelques instants, c'est la plus simple expression. Je sais qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on doit se préparer mentalement parce que c'est une chronique qu'on doit réfléchir un peu. Oui, faut que je pense à des images drôles, faut que je pense à des comparaisons. Moi, je t'ai jamais demandé ça. Non, mais ça rajoute de la vie. Et toi, faut qu'on t'écoute parce que tes définitions ont du sens. J'essaie d'être la pertinence. Oui. Fait que ça, ben, c'est ce qu'on dit. Fait que fais ce qu'on dit et pas ce qu'on fait. Comme dans On dit, la pièce de Les Marinelli qu'on écoute à l'instant. C'était un lien que j'essayais de faire. Pas pire, merci. T'es bien fait. Je l'apprécie. La pièce On dit à Assemblage requis. Maintenant, tu sais, quand on dit au revoir à la revoyure, mettons, c'est une expression qu'on utilise. Et quand on veut comprendre nos expressions, on écoute Stéphanie Paradis dans sa plus simple expression. C'est pas dans cette chronique-là qu'on fait des loups-garous, voyons. Mais oui, ça faisait longtemps. Petit mélange. Je m'ennuyais. Mais en fait, sûrement qu'on... parenthèse, mais on va le refaire, le loup-garou, éventuellement. Notre chroniqueur loup-garou va revenir. Qu'est-ce que ça? Cette semaine, je pense. Ah? En tout cas, on n'est pas là pour parler de loup-garou, là. On est là pour analyser les expressions de la vie de tous les jours, et moi, je suis là pour les désanalyser. Les suranalyser, je te dirais. Oui, en effet. Donc, on est toujours dans le pas de thématique. Je sais pas si tu te rappelles. Ça fait longtemps, on avait jadis, des thématiques. J'avais commencé en classant les expressions par thème. Maintenant, le thème, c'est le puissard du hasard. C'est fuck les règles. T'es une rebelle. C'est un peu ça. Et on commence tout de suite avec une première expression. Être canon. je sais pas. Moi, je me rappelle d'avoir lu un poème. Okay. Dans Zone Campus, par un certain Jean-François Veilleux, qui faisait allusion à son canon chaud. qui représentait son entrejambe masculin. D'accord. Donc, être canon, j'imagine que c'est bien poudré, bien poudreux. Il y a plein de poudre à canon entre les jambes. Un peu comme à la gymnastique, quand tu mets de la poudre sur les barres pour pouvoir mieux te pogner après. J'imagine que son canon ou de la poudre à canon, mieux se pogner après. Hein, ça? C'est tout à fait logique, ben oui. Mais c'est pas ça. Ah. Être canon, c'est être beau, belle ou séduisant, séduisante. Donc, il existe deux hypothèses sur l'origine de l'expression. Selon moi, la première est tout à fait crédible. Donc, pour la première, on va partir avec une phrase. La phrase « Hérodote est le canon du dialecte ionien ». Donc, il y a deux raisons à partir avec cette phrase-là. Donc, la première est qu'Hérodote écrivait effectivement dans un dialecte grec ancien qui s'appelait le dialecte ionien. Donc, ça, c'est mon grand-père faisait ça aussi tout le temps. Quoi ça? Hérodote. OK. Ouais. Ah. La deuxième raison pour laquelle on utilise cette phrase-là ici, c'est que dans cette phrase, et aussi étrange que ça puisse paraître, le mot « canon » est utilisé à bon escient. Donc, Hérodote est le canon du dialecte ionien à première vue. C'est comme, ben, je comprends pas trop le sens de la phrase. Et pourtant, le mot « canon » a son sens d'origine. Donc, en effet, depuis longtemps, le terme « canon » désigne un modèle idéal auquel il faut se conformer. Ah. Donc, au point que chez les artistes, le mot désignait aussi le type idéal de proportion choisi pour représenter l'être humain. Donc, ou plus généralement, dans les arts picturaux, des règles de représentation harmonieuse des formes. Donc, c'est ce qui faisait que l'image était harmonieuse quand on peignait, entre autres, le corps humain. De là, on est venu à parler des canons de beauté, très dépendants de l'époque, bien entendu, qui désignaient les différents critères ou caractéristiques qui permettaient de dire d'une personne qu'elle était belle. Donc, ça s'est un peu étendu en dehors des arts, mais c'est rendu dans la vie de tous les jours. Donc, la naissance de l'expression au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, ce qui est quand même assez tard, pourrait donc parfaitement s'expliquer par un raccourci populaire de « Elle respecte à la perfection les canons de beauté de notre époque » par « Elle est canon ouais. ». Mais il existe bien une seconde hypothèse, malgré que la première est tout à fait crédible selon moi. C'est que l'expression serait bel et bien issue du canon d'artillerie. Donc, en effet, le bruit et les dégâts liés à cet objet destructeur sont tels... Destructeur? Je sens que j'avais un S de trop. Destructeur sont tels, par comparaison à une arme de poing ou d'épaule, que le mot aurait rapidement servi d'adjectif intensif appliqué à diverses choses lorsqu'elles sont étonnantes ou hors du commun. Et à la beauté en particulier, qui pourrait être étonnante et hors du commun. Peut-être également par influence de la signification du précédent terme « canon ». Donc, les deux sont quand même interreliés. Donc, être une beauté canon, au sens de être d'une beauté hors du commun, ce serait alors transformé en cette expression. À noter qu'aujourd'hui, on dit aussi d'une belle femme que c'est une bombe. Oui, oui, oui. Donc, on rejoint la notion d'intensité en dépassant celle du canon. Tu sais, c'est jamais assez. Non, hein? C'est de la dynamite. On doit toujours aller plus loin. Donc, c'est une bombe. Exact. Et pour en revenir à Jean-François Veilleux et son poème sur le et sexe son canon. Dans Zone Campus, utilisez le plus fréquemment possible le hashtag canon chaud. Dorénavant. OK. Sachez que c'est quelque chose de sexuel. Hashtag canon chaud. D'accord. Sur Facebook. Ensuite, prochaine expression, les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Dans le nez. Ça, c'est dit vite, dans le nez. Mais lentement, c'est dans. Et le nez. Le nez, c'est le négatif. Dans le négatif. C'est parce que c'est quand tu dis lentement, avec les mots complets, c'est dans le négatif. Donc, les doigts dans le négatif. C'est que tu te mets les doigts dans le négatif, mettons, d'une quelque chose avec le courant. Sur la batterie d'un char. Sur une pile au lithium. Sur une pile au lithium. Puis l'autre, sur le positif, je pense que ça donne un choc, je pense. Les doigts dans le négatif. On sait pas, mais okay. Je pense que c'est là que ça vient de là. OK, OK. Hashtag canon chaud, point. Excuse-moi. Donc, les doigts dans le nez, en fait, c'est sans effort, très facilement. Contrairement à ce que je viens de faire, là. Hein. Donc, l'expression serait apparue en 1912, c'est quand même très précis, dans le langage des courses hippiques. Là, pas épique, là, comme tout le monde. Ah, ça, c'est épique. Le Seigneur des Anneaux, là. Hippique, avec un H. OK, les chevaux. C'est ça. Okay. Donc, le jockey est arrivé premier, les doigts dans le nez. Mm-hmm. On disait ça en 1912. Wow. Donc, c'est une image amusante, tout simplement, qui montre la facilité, l'insouciance qu'a eu le jockey à gagner. Puisqu'au lieu d'avoir l'esprit complètement préoccupé par sa course, il a pu prendre le temps, comme les enfants insouciants, de se mettre les doigts dans le nez. Ah! Wow. Voilà. Hey, ça me rappelle l'émission pour enfants, tu sais, Watatata, pour ados. Ouais. Il y avait aussi un équivalent avec des chevaux. C'était Hippipitao, OK? Hippicatao, OK? Puis où est-ce que j'allais en venir avec ça? J'ai un aucune espèce d'idée. Je me rappelle plus. Je cherche. Attends un peu, j'avais trouvé quelque chose. Hey, c'est la première fois que mon gag tombe complètement à plat parce que je l'oublie. D'habitude, c'est pas ça qui m'arrive. Ils tombent à plat parce qu'il est pas bon. Parce que tu le dis. D'habitude, c'est pour ça que ça tombe à plat. Je me rappelle plus du gag que je voulais faire. On reviendra, okay. Ouais, si jamais ça. Tu t'en souviens. Puis tu l'ajouteras au montage. C'est bon. Hein, désolé. Tu t'enregistres en studio. OK. Prochaine expression. Se regarder le nombril. Le nombril. Ça, c'est pour les fans de mathématiques. Regarder le nombre, mm-hmm. Hein, et brille comme un brillopad. Ça, c'est les petits trucs, c'est comme des SOS. Aux États-Unis, ils ont comme des brillopads. OK. C'est comme des SOS. Fait que c'est quand tu fais la vaisselle et puis t'es tellement obsédé par les mathématiques que tu dois faire un certain nombre de récurages. OK, c'est trop l'obsessif compulsif. C'est ça. Là. Donc, c'est ça, c'est regarder le nombre et le brillo. Ouais. Intéressant. Mais pourtant, c'est pas ce que j'ai. On n'a pas les mêmes sources, je pense. Non, c'est ça. On n'a pas les mêmes sources. Donc, se regarder le nombril, c'est être égocentrique et prétentieux et ne s'intéresser qu'à soi. Donc, le nombril, c'est la trace de l'origine de quelqu'un. C'est par là que la vie lui a été donnée par sa mère. Ah, c'est cute. Ben non, c'est pas cute, c'est ça, c'est biologique. Ben, ça reste cute, la biologie, voyons, non? Ouais, c'est ça. T'sais? Donc, passer son temps à contempler cet endroit, c'est oublier, voire nier l'existence des autres et ne pas les considérer. Tout simplement. Donc, c'est une expression très centrée sur soi-même. Ouais. Cette attitude est aussi nommée le nombrilisme. Ah, d'accord. On n'a pas de date d'origine, non. Malheureusement. Ah, ça doit remonter à la nuit des temps, parce qu'on a un nombril depuis la nuit des temps. C'est vrai. Pour revenir à mon gag de Watatata. Tu l'as-tu retrouvé? Oui, mais ça tombait très, très bien, je l'ai oublié. C'était mauvais? Oui, c'était vraiment très mauvais. C'était une blague de Watatata, dans le temps que c'était plus sur les chevaux. Puis à la place de faire leur chanson, ça disait « Jockey, OK, OK! » OK, ça disait « Jockey, OK, OK! » C'était très mauvais, vraiment très mauvais. Oh my God! C'est affreux, hein? Tout ça pour ça! Ça a pas l'air comment c'est mauvais. Wow! Ouais, c'est ça. Ah, je me sens bizarre. Être à couteau tiré. Oui. À part être une compétition de cuisine animée par Anne-Marie Wittenshaw. Ah ouais, pour vrai? Ouais, ah. Ça a eu quelques épisodes. OK. Ah. Mais c'était à couteau tiré, il n'y avait pas de être à couteau tiré. Ah. C'est être à couteau tiré. Ah ouais. Non, ça, ouais. C'est, ça a rapport avec les impôts. OK. Parce que c'est la période des impôts en ce moment, tu sais. Donc, je pensais de sortir une expression de cirque. Pas en fait. Donc, à coup, des coups comme les coups de la vie. Taux, ouais. Comme les taux d'intérêt. Puis tirer comme dans tu vas t'en tirer ça. Donc à coup tôt tiré, c'est quand tu réussis à t'en sortir de tes impôts pour pas payer. T'es à coup tôt tiré. Ah. C'est ça. Bon, c'est intéressant. Mais c'est pas ça. Ah ben voyons. Être à couteau tiré, c'est être dans une situation de grande hostilité. Ah. Ah, c'est comme déçu. Moi ouais, c'est ça. Ça a l'air trop vrai, ça. Donc voilà une expression qui nous vient de la fin du 17e siècle sous sa forme actuelle et dont l'origine est facile à comprendre lorsqu'on se réfère aux habitudes de l'époque lorsqu'une dispute éclatait entre des personnes. Donc au 16e siècle, on disait en être aux épées et aux couteaux. En l'appliquant à des personnes ayant un différend et ayant dégainé leurs armes de leur fourreau et prêtes à en découdre sans craindre de verser le sang. Donc, c'est à la fin du 16e siècle qu'apparaît au cousteau tiré, mais tiré ER. Au cousteau! Ouais, ouais, pas Jacques. C'est ça, okay. Jacques Cousteau. Mais en fait, ça se prononçait probablement couteau, là, mais ouais. C'est parce qu'il y avait des S partout dans l'ancien français. Ouais. Donc, c'est au couteau tiré, mais tiré ER. Donc, là, on parle pas du participe passé, mais bien du verbe à l'infinitif. C'est important. Donc, au couteau tiré, dont le sens était prêt à tirer les couteaux, c'est-à-dire prêt à dégainer les lames. Donc ensuite, l'expression a évolué avec un cran de plus dans la préparation au combat, puisque maintenant, les couteaux sont déjà tirés, dans l'expression. Donc, on se prépare plus à le faire, c'est fait. Aujourd'hui, les gros différends seraient plutôt en justice ou à l'arme à feu, si jamais on se sert d'une arme. Donc, mais la locution est quand même restée avec le... Si on veut, l'ancienne méthode, c'est-à-dire les couteaux. Ouais. Tu parles de l'émission à couteau ciré avec Anne-Marie Wittenshaw. C'est pas elle qui est partie, la troupe de théâtre, là, qui va présenter une pièce mercredi soir. Là, ouais, ouais, parmi nous. Parmi nous. Parce que Wittenshaw avec un petit chat, là, ouais. A parti ça. Parmi nous. Parmi nous. Voilà. Voilà. Plier bagage. Plier bagage, c'est gage de confiance. Donc, plier bas comme tu te plies par en bas, okay. Comme dans tout en quatre, mais tu te penches par en avant, puis etc. Okay. Puis gage, ça veut dire que tu as fait une gageure, puis tout ça, puis ben, tu as perdu la gageure, fait, faut que tu te penches par en avant, tu te fais. En prison. Ouais. Ouais. Plier bagage, ben c'est partir, s'en aller, s'enfuir, décamper ou mourir. Ah. Tout en même temps? Non, faut que tu choisisses. Ok. Ben, tu peux partir vers la mort, j'imagine. Oui. Donc, au 16e siècle, on a commencé par dire trousser bagage, simplement parce que le sens initial de trousser était charger, attacher ou mettre en paquet. Donc, on comprend bien que le fait de plier bagage correspond à un départ, d'où découle logiquement le premier sens de l'expression qui était partir, s'en aller. Dans le deuxième sens, dans le deuxième sens, qui est s'enfuir, décamper, oui, l'ajout de la notion de rapidité ou de fuite n'est pas vraiment explicité, mais la signification abandonner un lieu en hâte et sans bruit a bien été signalée. Et dans le dernier sens, qui est mourir, n'est qu'un euphémisme familier, donc la mort étant bien une forme de départ, sans que, hors conviction personnelle, on ne part pas vraiment avec des bagages. Voilà. Ensuite, prendre ses clics et ses claques. Ouais, prendre ses clics et ses claques. Ça, c'est, les claques, c'est les trucs qu'on met sur ses bottes, j'imagine. Mm-hmm. Et ses clics, ça, c'est ses amis. Donc, j'imagine que c'est tu ramènes tes amis et tes bottes. Après un party, tu vas dans le bain pour enlever les bottes. Dans le bain. Dans le bain, les bottes sont ouais, dans ouais, le bain. Ouais, c'est ça, à Noël. C'est ça. T'as une barge dans le fond. Lors d'un party quelconque, c'est ça. Et vu que t'avais pas envie de passer la soirée avec tes amis, t'as aussi mis tes amis dans le bain. Donc, tu, okay. tu c'est ça. Tu t'es mis tes amis dans le bain, c'est ça. T'as couché avec tes amis dans le bain. Fait que tu t'enlèves. Avec tes bottes? Ouais, c'est ça. Avec mais les bottes sont encore là? Ben, les bottes, ça met de l'ambiance, c'est caoutchouteux. Okay. Tu te dis, pas besoin de mettre de caoutchouc parce que je fais l'amour sur des bottes qui sont faites en caoutchouc. Fait que t'es protégé contre toutes les maladies du monde. Fait que t'as pris tes clics et tes claques. Ça c'est beau la naïveté. Ça vient de là. Ouais. Prendre ses clics et ses claques, écoute! T'es pas loin! Ben, t'as un petit élément. OK. OK? Étonnamment. C'est, ouais, étonnamment. Donc, prendre ses clics et ses claques, c'est prendre toutes ses affaires et partir, bien entendu, parce que ça donne rien de les prendre puis de rester là. Donc, cette expression qui date de 1830 ne s'emploie en général que dans un contexte de départ précipité. Donc, on prend pas ses clics et ses claques, puis on s'en va pas tranquillement, on s'en va vite. On prend ses pris et ses pites. Pris et pites et. Pour t'en aller vite. Précipité. Tes pris et tes si, ouais. Mais que sont réellement ces clics et ces claques, hein? Ouais. Eh bien, l'origine de ces mots n'est pas vraiment certaine. Et bien entendu, on a des hypothèses, sinon on n'en parlerait pas. Donc, on peut penser aux onomatopées clic et claque, avec un C et non un QE. Parce que ici dans l'expression, c'est C-L-I-Q-U-E-S et C-L-A-Q-U-E-S. Mais là, on parle des onomatopées C-I-L-C et C-L-A-C. C-I-L-C, non, c'est pas ça, ça fait silk. Le C-L-S-C, là. bref, ce sont les frères bâtards de... Le tic-tac. Crac et croc. Ah, OK. Tout dans la même famille, ça, tic-tac, cric-crac-croc, boulibille, bien, ouais. Donc, c'est ça, on passe aux onomatopées clic et claque, à l'orthographe variable, qui peuvent accompagner le bruit de pas rapide de quelqu'un qui s'en va. Ah, oui. Donc, une hypothèse. C'est les bottes, hein, le lien, c'est ça. Hein? C'est les claques, c'est ça, le lien. Mais ce qu'on sait et qui semble coller le mieux à l'expression, c'est que dans certains dialectes, les clics désignaient les jambes. Intéressant. On sait aussi qu'on appelait des claques des sortes de sandales qui servaient à recouvrir les chaussures des dames pour éviter qu'elles se salissent. Des dames? Ah, oui. Ouais. Ouais. Donc, les claques, c'était une sorte de sandale. À l'origine, l'expression aurait donc voulu dire quelque chose comme rassembler ses jambes et ses chaussures pour partir rapidement. Un peu comme l'équivalent de prendre ses jambes à son cou. Ah. Sauf qu'on laisse ses souliers sur place. Mm-hmm. Voilà, donc t'avais quand c'était même un élément de réponse. Ben, tu sais, tantôt quand je disais qu'on faisait l'amour sur des claques, ben c'est pour ça qu'on appelle ça les prophylactiques, là, tu sais, les condoms, les prophylactiques. C'est une blague de prophylactique et de claque. Ça marche pas. Ouais. C'est pas une lumière. Ah oui, c'est pas une lumière. La prochaine expression, ça n'est pas une lumière. Ben ça, c'est évidemment, c'est de là que c'est parti avec les newfies, les blagues de newfies. Tu sais, combien ça prend de newfies pour installer une lumière? La réponse est, c'est parce que c'est pas une lumière. Tu sais, parce qu'il est en train de visser quelque chose d'autre, genre. OK, miroir. Un miroir. Il est en train de visser un miroir, c'est ça. Donc, c'est pas une lumière, il n'est pas très intelligent. Ah. Donc, quelqu'un d'intelligent est souvent capable de briller en société. Or, s'il brille, c'est qu'il produit de la lumière. Et s'il est intelligent, c'est grâce à cette lumière qu'il produit qu'il peut nous éclairer sur de nombreux points. Là, j'ai fait des guillemets à la caméra 3. J'étais pas sûr que c'était nécessaire de le dire. Ben, on l'avait compris, je pense. En tout cas. Donc, le sens métaphorique de lumière pour désigner l'intelligence date du 17e siècle, à la même époque que ces verbes liés que sont « briller » et « éclairer », tous deux en lien avec des personnes avisées ou intelligentes. Donc, on parlait à l'époque des lumières de quelqu'un pour désigner ses hautes capacités intellectuelles. Comme pas... dans TC haute, capacité intellectuelle, comme les lumières de char. Exactement. Parfait. C'est par métonymie que cette lumière a fini aussi par désigner celui qui la possède. Donc, ce qui a ensuite donné naissance à notre expression au milieu du 20e siècle. Ah. Donc, ça a quand même pris du temps entre les deux. Ça a pris quand même 3 siècles. Et la lumière fut. Avoir une araignée au plafond. Ouais, en effet, avoir une araignée au plafond. J'imagine que c'est peut-être signe de malchance. Quelque chose de genre. Ben non, au contraire. De chance? Ben ça dépend. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Ah, mais non, ça a sûrement rapport avec une reine quelconque. Je pense que la reine a régné au plafond, c'est ça. Ou encore, dans le temps qu'il animait une émission de danse à Radio-Canada, René Simard, il a régné au plafond. Ou quand quelqu'un a régné au plafond, il a régné. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, j'arrête. Mais est-ce que tu as déjà entendu ça, cette expression-là, avoir une araignée au plafond? En fait, c'est être un peu fou, avoir des lubies. Tu sais, quand tu dis les petits bébites dans le plafond, ouais, là, ouais. Ben, c'est un peu un dérivé d'avoir une araignée au plafond. Ah. Mais pourtant, ce comportement n'est pas gênant ou dangereux pour les autres. Donc, l'expression est apparue dans la deuxième moitié du 19e siècle et cette expression aurait été utilisée par les prostituées parisiennes de l'époque. Hein, ben, je trouve ça quand même intéressant, drôle d'origine. Donc, ben, c'est tout simple, c'est que dans cette métaphore, le plafond, ben, bien entendu, c'est le sommet intérieur de la boîte crânienne hein, dans laquelle l'araignée, qui est un animal habitué des intérieurs un peu négligé, peut tisser sa toile sans être dérangé. Donc, on parle d'un intérieur de tête qui est négligé. Ah. Donc, parce que les araignées sont habituées de faire ça dans les endroits restreints. C'est dégueulasse. Les araignées au plafond sont souvent énormes. C'est les plus grosses que j'ai rencontrées dans ma vie étaient tout en plafond. C'est dans le coin. Hein. Ah. Ah, c'est dégueulasse. C'est dans, dans le bloc chez nous. Ah, yark. Yark. Ensuite, ça me gonfle. Oh, dans les extraits français. Oui, quand même. Ou gonfler quelqu'un. C'est comme tu me saoules. Mais j'imagine que c'est comme un équivalent de tu me saoules, mais pour l'alimentation. Donc, à la place d'être rempli d'alcool, t'es rempli de nourriture, j'imagine. Rempli d'air. Sinon, ouais, c'est ça, c'est comme tu... Ouais. Non, c'est ça. J'ai rien d'autre. Pas mal ça. Pas mal ça. Donc, ça me gonfle, c'est ça m'agace, ça m'énerve. Ou gonfler quelqu'un, c'est exaspérer ou importuner quelqu'un. Mm-hmm. Donc, l'origine de ce sens argotique du verbe gonfler est pas très claire. Donc, bien sûr, on trouve la forme « les gonfler à quelqu'un ». Donc, dans ce cas, il ne fait aucun doute que « les » désigne les testicules, bien entendu, qui est une forme assimilée à casser les couilles. Ah. On peut aussi y voir un sens figuré où un individu est tellement « gonflé », importuné à l'excès par un autre, qu'il approche de l'explosion de colère. Donc, c'est très, très imagé. Donc, « gonfler », c'est aussi « exagéré ». Donc, on peut gonfler son CV, par exemple, et quelqu'un qui en importune un autre au point de franchir les bornes des limites, hein, c'est bien quelqu'un qui exagère. Mais on peut également se référer à un ancien sens argotique du verbe qui est donné par Esno, linguiste, si je ne m'abuse. Ouais. À la fin du 19e siècle, en effet, gonfler voulait dire assommer. Donc, quelqu'un d'assommant, au figuré, c'est bien quelqu'un qui nous importune. Donc, beaucoup de liens de sens avec le verbe « gonfler » qui peuvent mener facilement à cette expression. Comme on dit, tu me fais sortir de mes gonfles en France, tu sais. C'est ça. C'est ça, tu me gonfles. Exactement. Ben oui. Et finalement, un petit coup de cœur. J'avais jamais entendu ça. Je trouvais ça drôle. Je me demandais qu'est-ce que c'est ça. « Mener les poules pisser ». Ben c'est comme quand on termine l'émission, puis c'est tout, t'sais. Donc amener les poules, puis c'est tout. Voilà. En fait, c'est s'occuper de travaux insignifiants ou fictifs. Comme assemblage requis. C'est fictif, ce n'était qu'un rêve. Une toile filante, comme une toile d'araignée. C'est pour venir aux araignées. Donc, cette expression date du 16e siècle. C'est tout simple, les poules pouvant faire leurs besoins librement autour du poulailler. Il est évident qu'une telle occupation n'est pas vraiment utile. mais quand on sait en plus que les poules, en fait, ne pissent pas, hein, oh puisque, en fait, elles urinent et fientent, se mélangent dans le cloaque. Donc, c'est pour ça que c'est des cacamous. Donc, le pipi et le caca, ça sort par le cloaque. Donc, ça se mélange. Donc, ça fait juste accentuer l'inutilité de la chose d'emmener une poule pisser. Ah, wow! C'est-tu comme les sacs cloîtrés? Ça c'est pas les... Voyons donc, ils sont pas pleins de marde pisse. Ben, je sais pas. Je pensais que ça avait la même origine. Ça finit là-dessus, ben, sur marde pisse. C'est génial. On finit avec de la cohérence, de la pertinence. Comme à tous les jours, finalement. Merci, Steph. Ça fait plaisir. On fait sa plus simple expression les lundis en fin d'émission. Quand ça donne, pis t'es là. T'sais. Les deux en même temps. C'est comme ouais, pisser pis en même temps. C'est rare, un lundi. C'est comme un sac de munchies. Ah, oh, wow, fais-moi pas penser à ça. Mange quand je pense à des munchies. Quand tu manges tout ça en même temps. Non, tu vas t'en chercher tantôt. Oui. Oui. OK. Nous, ça va être tout pour Assemblage Requis aujourd'hui. Je sais. Là, c'était en train de pleurer et pisser en même temps. Cabrisé. Ouais, ça sort par mes trous d'yeux. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Demain, on sera mardi. Donc, on va voir. Ben oui, à Gabriel Bioud pour la Luitre. Et demain, c'est Master Chef, une grosse pointe en dresse en alternance. Donc, soyez ici demain entre 6h30 et 9h30. Restez sur nos ondes à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, Escala, l'émission de voyage. À 17h, Radar Jeunesse, le magazine Jeunesse. 18h, la rediffusion de Palmarès du Monde. 19h, le voyage insolite. Et 20h, Rock de Neurones. Sif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On remercie les gens du Robson. Ok, oui, David Ferron. Olivier Lessard. Toi, Stéphanie Paradis. Toi, Mathieu Plan. Bonne journée, petit requin. On se quitte sur Summerland. Et maintenant que l'été arrive, on dirait voici juste un peu trop. Quoique, nous autres, c'est juste bague à l'exemple. Ah non, c'est juste pas assez. C'est ça. À demain. Bye. Bye. Je t'aime juste un peu trop.